Le restaurant Midas de Saint-Félicien vous annonce que son comptoir laitier est maintenant ouvert. Et pour le mois de juin, on vous offre en spécial la coupe glacée à 3$ plus taxes seulement. Profitez-en pour venir essayer le Bubble Tea servi en 8 saveurs décaféinées, auquel vous pouvez même ajouter des bulles de fusion. Venez profiter de ce rabais du mois de juin, la coupe glacée à 3$ plus taxes seulement au restaurant Midas, 1084 route 169 Saint-Félicien, 679 0900. Toute l'équipe du restaurant Midas invite la population à participer aux activités des régates de Saint-Félicien. Pour vos fringales de juin, pensez Restaurant Midas Saint-Félicien. La 10e édition du Festival des biens extrêmes débute ce week-end avec une programmation complètement disjonctée. Ça débute jeudi avec un tournoi de poker, suivi d'un vendredi 100% rock, samedi championnat du monde de pédalo, jeux gonflables, hommage aux Beatles et dimanche, championnat régional de moto cross et après-midi country sous le chapiteau, suivi de la tourtière extrême, chaise musicale, feu d'artifice et génomusique. Cet été, bien disjoncté à des biens, ville de l'extrême. On va parler avec Alex Bussière de Beaumont-Sissonnier. Alex Bussière qui poursuit une carrière universitaire à Québec et savoir un peu comment que ça va, comment qu'il entrevoit sa prochaine saison. On lui parle. Salut Alex. Allô Danny. Alex, comment d'abord t'entrevois ta prochaine saison avec un nouvel entraîneur? Oui, exactement. En fait, j'appellerais plus ça un nouveau mentor. Okay. Avec mon ancien entraîneur qui reste encore mon entraîneur dans les papiers officiels de la Fédération d'athlétisme, Félix-Antoine Lapointe. On s'est assis ensemble. On a essayé d'évaluer un peu les 5-6 dernières années, donc depuis que j'étais à Québec, en fait les 7 dernières années. Puis on a un peu essayé d'évaluer comment, qu'est-ce qui marchait, qu'est-ce qui marchait pas. Puis on a essayé de voir, de prendre un petit pas de recul pour voir qu'est-ce qui a déjà marché avec moi pendant que j'étais un peu plus jeune, ouais. Au niveau du 800 mètres, parce que c'était vraiment comme ma distance de prédilection. Donc, on a pris un pas de recul, on a essayé d'évaluer un peu les entraîneurs qu'il y avait dans la fédération. Puis il y avait Ashraf Tadili, qui est, dans le fond, le présent recordman du 800 mètres en 45-05. Donc, il a commencé à coacher il y a quelques années, puis on s'est écrit, on a échangé un peu, puis il y avait un peu la même direction que Jocelyn Gagné avec moi dans le temps que j'étais à Dolbeau, puis je pense que c'était une certaine bonne façon de peut-être retourner vers ce genre d'entraînement-là qui est beaucoup de spécifique pour essayer de finir mes dernières années universitaires, puis commencer mon post-collegiate, soit après mes années universitaires. OK. Donc, ce que ça veut dire, tu reviens à ton ancien style un peu, là. Oui, exactement. T'sais, comme j'ai dit, on va tomber sur du plus spécifique. Donc, surtout en période de préparation générale, c'est rare que ça change. On va faire plus de volume, on va faire plus de long, plus de kilométrage, plus moins d'intensité. Tandis qu'en calendrier de compétition, ben c'est là que beaucoup d'entraîneurs vont changer leur philosophie. Tandis qu'elle, à Félix-Antoine Lapointe, était plus axée sur le millage, sur mettre beaucoup de pré-fatigue avant de faire du spécifique. Tandis qu'un gars comme Jocelyn ou Ashraf Tadili sont plus axés sur le spécifique d'abord. Donc toujours, du moins le trois quarts du temps, toujours mettre le spécifique en premier, donc en début de semaine ou en début d'entraînement. Et non arriver en fin de la semaine, puis fatigué, puis là mettre ton spécifique. Okay. Pourquoi t'avais changé d'abord? Ben, en fait, Jocelyn, il me préparait. Je voulais aller à l'Université Laval, ça c'était certain. Il m'avait recruté à 16 ans lors d'une compétition, le Yanium en 2010. Je m'en rappelle très bien quand les entraîneurs du Rougeard sont venus me voir en disant « On veut que tu viennes à Québec. » Fait que c'est certain qu'à partir de ce moment-là, j'en ai parlé avec Jocelyn. Il me dit les pour, les contre, puis on a évalué ça ensemble. Puis on avait évalué ensemble que ça serait mieux que je parte après le cégep. De rester avec Jocelyn pour mieux me préparer pour partir à l'université. C'est sûr que là, je savais qu'il y avait le dynamique du cégep de Sainte-Foy qui était une très grosse équipe de cross-country dans ces années-là. Donc, j'ai voulu me joindre à cette équipe-là. Donc, en 2012, j'ai décidé de partir à Québec. Donc, Jocelyn m'a préparé, mais un peu plus rapidement que prévu pour partir à Québec. Donc, c'est pour ça que il y a eu un switch d'entraîneur à ce niveau-là. OK. Si on parlait un peu de... Puis je pense que tu as fait une course avec ton nouveau style, puis ça a quand même bien été, hein? Oui, c'est ça. T'sais, j'ai commencé avec une 54 en Ontario, là, trois semaines. C'était pas une mauvaise course. C'était plus une course où, justement, dès le début, j'ai essayé de retrouver mes feelings. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu comme ce genre de feeling-là. Puis on avait quand même une bonne semaine d'entraînement. Comme c'était une compétition en début de saison, on voulait pas nécessairement mettre le focus et l'emphase là-dessus. Donc, il est certain que on est arrivé là qu'il y a un peu une pré-fatigue. Puis, c'est ça, j'ai comme eu de la misère à trouver mes repères, mais le chrono total, au final, c'était relativement bien pour une première sortie de la saison. Puis, j'imagine que ça va juste s'améliorer au courant de la saison. Tantôt, t'as parlé après mon université. Donc, tu veux continuer, tu veux pas abandonner, là. Qu'est-ce qui motive Alex Bussière à continuer pareil, là? Ben, c'est certain que le standard que, ben, le record personnel que j'ai établi en 48 en 2015, il me laisse toujours croire que je peux revenir dans ces chiffres-là, voire un peu plus vite. Présentement, le standard olympique est dans les 1,45. Je pense pas que c'est nécessairement accessible dans les développements qu'il y a présentement selon mes performances. Cependant, il reste toujours des compétitions très élevées au niveau international, comme les Jeux de la Francophonie ou des trucs comme ça, qui sont très pertinents à atteindre, puis c'est de mon niveau présentement. Donc, c'est sûr que moi, je reste motivé. Puis, tu sais, je me suis toujours dit que la fin de ma carrière d'athlétiste allait être autour de 2024. Donc, moi, c'est certain que 2024, je m'attache jusque là. Puis, peu importe où je suis rendu, moi, je me suis mis le topo à 2024 au minimum. OK. Quel genre d'été tu vas avoir? Un été chargé? Ça va être relativement chargé, je te dirais. Relatif, parce que dans le fond, c'est que ça y va beaucoup par batch. Genre, je vais juste comme courir 700-800 mètres encore dans le reste de la saison, donc il reste un mois et demi. Sauf que, tu sais, il va y en avoir beaucoup, c'est genre sur, mettons, trois fins de semaine collées ou de quoi de même. Fait que c'est ça qui rend un peu la complexité de la chose, de toujours revenir en forme puis pas trop s'entraîner parce que tu veux performer dans les autres compétitions, tu sais. C'est comme faire un entre-deux entre... tu veux viser tel 800 mètres, puis tu veux comme pas décharger pour les autres. Là. OK. Tu trouves ça compliqué un petit peu, jauger le travail avec l'entraînement, ou ça se passe bien de ce côté-là? Je te dirais que ça se fait relativement bien. C'est certain que, comme moi, je coach l'athlétisme, fait que c'est relativement beaucoup demandant, surtout quand ils sont jeunes comme ça. Je suis toujours sur la piste. Là, mettons, c'est la fin de secondaire pour eux, donc ou la fin d'école, peu importe. Mais là, c'est comme, ben, je suis obligé d'offrir deux plages horaires parce qu'il y en avait qui a des examens l'après-midi, d'autres que non. Donc, tu sais, c'est souvent donner beaucoup de temps, mais je ne trouverais pas que c'est nécessairement comme demandant, sauf que ce que je trouve demandant, c'est plus peut-être mentalement, parce que je sors jamais de l'athlétisme au final. Là, je reste dans l'athlétisme comme à temps plein. Donc, c'est sûr que peut-être pour ça, je vais t'avouer que des fois, ça fait du bien d'avoir une fin de semaine, pas de compétition, puis pas de compétition où que je coach, ou que là, on a le temps de décharger un peu. Okay. Prévois-tu faire des petites chaussettes à Dolbeau bien prochainement? Ben, c'est certain que j'ai prévu venir faire voir un peu plus de 10 000 avant que la fin la fin de la saison d'été approche. Je voulais venir faire la course de la relève également, mais ça n'a pas donné au niveau de mon calendrier de compétition. J'ai été invité justement à la compétition en Ontario, donc il a fallu que je me fasse une bonne préparation pour 800 mètres plus tôt que je pensais. OK. Puis sinon, c'est sûr que je vais essayer de... Tu sais, comme à l'automne prochain, j'ai pas beaucoup de cours à l'université, donc c'est sûr que je vais essayer de venir faire mon tour, surtout à demi-ski où que le club s'entraîne. C'est de super belles conditions pour s'entraîner pour le cross-country. Personnellement, je ne ferai pas une saison de cross-country, mais je vais faire une bonne préparation de long. Donc, je risque de venir m'entraîner quelques fois avec le club aussi, pour essayer de aussi en donner avec les jeunes. Ben, Alex Bussière, on va se tenir au courant des compétitions que tu fais là-bas, puis au plaisir de se parler. Merci beaucoup, Danny. Alex Bussière de Dolbeau-Missisni qui fait carrière à Québec en athlétisme.